François Hollande. Hein, pour... Ah, carrément. Non, mais... voilà. C'est encore un vrai faux, là. C'est le vrai ou c'est le faux? Vous allez voir, il faut écouter. Oui. Et puis moi, j'appellerai des Français pour qu'ils invitent Nicolas Sarkozy à déjeuner chez eux. Oh là là, il y a une belle affiche. Alors, Sarko et Hollande, voilà. Hein, carrément. Et puis Willy Brovelli et Christine Bérou seront avec nous aussi. Oh bah ça pique, mais c'est bon, hein, Anne. À tout de suite. Et on retrouve Maxime Switek pour les titres d'Europe Midi. Bonjour, bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. Europe Midi dans une demi-heure, 12h30, 13h15, trois quarts d'heure pour faire le tour de l'actualité comme chaque jour, vous le savez. Et avec à la une aujourd'hui la rentrée des classes, ce sera dans trois jours, d'accord. Mais la ministre de l'Éducation, elle, est déjà sous pression. Najat Vallaud-Belkacem est venue défendre ce matin devant la presse ses réformes et notamment la réforme du collège, alors que certains syndicats de profs appellent déjà à la grève la semaine prochaine. On verra ça donc dans une demi-heure. À 12h30 également, le combat continue entre les éleveurs et Lactalis, les éleveurs qui promettent d'amplifier leur mouvement. On retrouvera notre correspondant en Bretagne. Nous irons à Bruxelles avec cette explosion la nuit dernière qui a visé l'institut criminalistique, un institut qui dépend du ministère de la Justice. Explosion d'origine criminelle, 5 personnes ont été interpellées. La politique, avec pas mal de choses encore ce midi, le week-end houleux à droite, on va y revenir. Et Marine Le Pen qui prépare sa rentrée et visiblement qui n'a plus très envie que le logo du Front National soit apposé sur ses affiches. On vous expliquera ça. Dans 30 minutes, nous essaierons de comprendre également ce que veut faire le gouvernement pour organiser l'islam de France. Et puis, je vous l'accorde, ça n'a strictement rien à voir, mais nous reparlerons du jeu Pokémon Go. Beaucoup de profs, de principaux dans les collèges également, s'inquiètent de voir leur établissement transformé en un immense terrain de jeu à la rentrée. Voilà le programme d'Europe Midi. Rendez-vous à Nice dans une demi-heure. Je vous rappelle le nouvel horaire d'Europe Midi, 12h30, 13h15. À tout à l'heure. Et nous serons là au rendez-vous. Merci beaucoup Maxime Switek. Tout de suite, on se détend et on rit avec Yann Roumanoff. Ça pique, mais c'est bon. Très belle journée à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est midi. Europe 1, ça pique. Ça pique, mais c'est bon. Midi, midi 30. Mais c'est bon, mais c'est bon. C'est bon, mais c'est bon. Yann Roumanoff. Bonjour à tous. Bienvenue dans Ça pique, mais c'est bon aujourd'hui. Nous sommes le lundi 29 août, 242e jour de l'année. Bonne fête aux Sabines et Sabrina. Comme dit le dicton, à la Sainte-Sabine, c'est la fête à la copine. Bon anniversaire aux frères Bogdanov, 67 ans chacun, rappelez-vous. Et oui, il y a 50 ans, le 29 août 1966, les Beatles donnaient leur dernier concert à San Francisco. Nous sommes aussi une émission historique. Ce midi, à mes côtés, une voix d'enfant, mais dans un magnifique corps de femme, oui. Christine Bérou. Bonjour. Bonjour à tous. Vous avez passé un bon week-end, Christine? Oui, très bon week-end. Oui, ça se voit, vous avez des cernes. Alors, eh bien, ça fait plaisir. Ce matin, avec nous, le lutin sautillant de cette émission, que ce soit lundi, mardi ou mercredi, le sourit, Willy Rovelli. Bonjour. J'ai dit que j'avais un joli corps de femme, c'est dommage. Vous avez un beau corps musclé, oui. Merci beaucoup. Bien ramassé, mais musclé. Les musclés. Enfin, celui qui est contrarié en permanence, le bougon râleur de cette émission, Didier Porte. Qui a un joli corps aussi. De mauvais poils, même tranquille. Lundi. Est-ce qu'il y a Didier? Laissez-moi tranquille. Aujourd'hui, Didier Porte se demandera pourquoi François Hollande aime tellement parler aux journalistes. Willy Rovelli nous racontera qu'il a eu une crise de panique. Christine Bérou nous expliquera pourquoi elle attend avec impatience le retour de Danse avec les Stars. Je téléphonerai à des Français pour leur demander s'ils veulent bien inviter Nicolas Sarkozy à déjeuner. Et on vous donnera 10 bonnes excuses pour ne pas acheter des fournitures scolaires luxueuses à vos enfants. Que de tendresse ce week-end entre les candidats aux primaires de la droite. Tant d'amour entre des gens de la même famille politique. C'était tellement touchant. C'est beau. Ça m'a ému. Les Républicains, c'est comme une vraie famille. Tout le monde se fait des risettes et personne ne peut se blairer. On a eu droit à un cocktail de méchanceté, fiel et sourire forcé. Ainsi, François Fillon, en visant Nicolas Sarkozy, a déclaré « Qui imagine le général de Gaulle mis en examen ?» Eh ben personne, il a raison. C'est comme si on disait qui imagine François Fillon gagner la primaire. Eh ben personne. Remarquez, qui imaginerait le général de Gaulle dans une primaire? Eh ben personne non plus. Le slogan du meeting, c'était « Avec Fillon, cassons la baraque ». Pour l'instant, il nous casse juste les pieds. Hein. Non, mais il avait mangé du lion, François Fillon. Derrière son pupitre, il sautait partout. Il en a même profité pour rappeler qu'avant, il était scout. On l'appelait Cabri Sourcilleux. Comme Willy. Surtout qu'Alain Juppé a inventé une nouvelle expression, l'identité heureuse. Vous savez ce que c'est que l'identité heureuse? Non. Eh bien, je cite Alain Juppé. L'identité heureuse, c'est retrouver le bonheur d'être français. C'est une espérance, une vision confiante de l'avenir de la France. Youpi les amis, ouais. Vive l'identité heureuse, c'est beau comme un dessin animé. Juppé, c'est Mary Poppins, ils ont le même âge. Super, cagique, fragilistique, pof, et le chômage disparaît. Bisous, non, je lui fais des bisous. Pour me dire merci, non mais le bonheur d'être français, c'est quoi exactement, hein? Truander les impôts, Didier Porte, ne jamais louper l'heure de l'apéro, tout critiquer, ne jamais se déplacer pour aller voter. Non, en fait, l'identité heureuse, je crois, c'est quand tu regardes ta carte d'identité et que ton nom, c'est pas Alain Juppé. Non mais Nicolas Sarkozy, lui, a promis de balayer les diviseurs après le Karcher, le balai. En fait, Sarkozy, c'est pas un homme politique, c'est une femme de ménage. Donc, pour résumer, Sarkozy, c'est l'autorité, Juppé, c'est l'identité, et Fillon, c'est mal barré. En fait, ils ont beau n'en être qu'aux primaires, ils sont déjà très forts en division. Bon, je répète, parce que là, vous avez pas compris. En fait, ils ont beau n'en être qu'aux primaires, ils sont déjà très forts en division. Oui. Voilà. Merci. J'ai répété parce que vous n'avez pas compris le premier coup. En attendant les primaires de la droite, on a quelques jours de la rentrée à l'école primaire. Et c'est toujours une période stressante pour les parents. Parce que non seulement les enfants ont grandi pendant les vacances, plus rien ne leur va, il faut racheter des chaussures, des vêtements. Mais surtout, ils ont perdu toute leur fourniture scolaire. Toutes. Je t'avais acheté une gomme l'année dernière, elle est où? Je l'ai perdue. Et les crayons de couleur, ils sont où? J'en ai deux. Deux sur une boîte de 24. Non mais c'est un mystère ça, excusez-moi hein, de vous embêter avec ça, mais c'est un mystère. Je sais que ça vous concerne pas Willy, parce que vous êtes par produit. Et c'est peut-être mieux pour l'humanité. Non mais c'est quand même, vous l'avez remarqué Didier, que les effaceurs d'encre se désintègrent, les gommes disparaissent. Les compas s'autodétruisent. Ah oui, non, c'est un scandale. Le porte-monnaie des mamans se vide, leur patience s'amenuise. Oui, les mamans, à quelques jours de la rentrée, je n'ai pas peur de le dire, sont déjà, comme les candidats aux primaires de la droite, au bord de la crise de nerfs. Europe 1, midi, midi 30, Anne Romanoff. Alors, on pense à vous, les parents, en ce moment, les enfants vous tannent, et tu m'achètes ceci, et tu m'achètes cela. Voici deux excuses pour ne pas acheter à ses enfants des fournitures scolaires luxueuses. Non, je ne t'achèterai pas ça. Est-ce que maman, elle a des fournitures luxueuses? Non! Non, ma puce. Moi, mes Louboutins, c'est pas pareil. C'est pour mes problèmes de dos. Je refuse de vous acheter des marques. L'intelligence se mesure à l'aptitude qu'on a de s'émanciper des diktats de l'industrie publicitaire et de sa politique des marques. C'est compris, les enfants? Quoi? Une colle à 10 euros? Non, mais tu te fous de moi ou quoi? Ah, c'est pour la sniffer! Ah bah, dans ce cas, d'accord, je veux le meilleur pour toi. Les enfants, on achètera des fournitures chères l'année prochaine, quand on sera riche, grâce à toutes les baisses d'impôts promises par les candidats à la présidentielle. Non, non, non, mon chéri, je ne peux pas t'acheter ce sac, il est trop cher. Maman a déjà utilisé toute l'allocation de rentrée scolaire pour s'acheter un nouveau sac à main. Tu veux pas que maman soit moche quand elle vient me chercher à la sortie de l'école? Non, non, non, non, non, tu n'auras pas de cartable Star Trek. Écoute, il faut que je te dise quelque chose. Luc, je ne suis pas ton père. Il y a 8 ans, ta mère m'a trompé, cette salope! Ça ne sert à rien, des fournitures scolaires chères. Enfin, avoir une trousse Hello Kitty en CP, ça t'empêchera pas de finir au chômage. Tiens, au fait, mon chéri, je t'ai pas dit, j'ai vu une photo de Justin Bieber avec un cartable Carrefour. Ouais, je te jure. Et j'ai même lu que Rihanna a dit que la colle à paillettes, c'était pour les ringards. Non, non, je n'achète pas ça. François Hollande aussi, quand il était petit, en avait un de cahier de texte Spider-Man. C'est ça que tu veux? Rater ta vie et finir président de la République? Midi, midi 30, Anne Romanoff. Didier Porte, ah, enfin. Celui que tout le monde attend, tout que le toutes monde. Les radios nous envient. Pour ceux de nos auditeurs qui s'intéressent à la politique et qui savent lire, je signale la sortie en librairie, non pas du nouvel ouvrage de Nicolas Sarkozy qui s'adresse exclusivement à ceux qui remplissent la première condition, mais de deux livres d'entretien avec François Hollande. Pour le premier, coécrit par un journaliste d'Europe 1 d'ailleurs, le chef de l'État a reçu les auteurs à l'Élysée à 32 reprises, et pour le second, signé par deux reporters du Monde, pendant une bonne centaine d'heures réparties sur pas moins de 60 entretiens. jamais il travaille pour nous. Hein. Et oh, président, la courbe du chômage, c'est pas en taillant le bout de graille des journalistes que vous allez l'inverser. On soupçonne même sérieusement le président de la République d'avoir livré aux enquêteurs du Monde un document classé confidentiel défense relatif à nos opérations militaires en Syrie et datant de 2013. Ce qui rend très vénère les brutes galonnées de notre état-major. Il est comme ça, François. Il aime tellement les journalistes qu'il ne peut rien leur refuser. En se concertant, ces derniers ont établi que depuis son élection, il avait eu des conversations privées ou échangé des textos sur son téléphone perso avec au minimum 70 représentants de la presse. Autant vous dire que je n'ai eu aucun mal à me procurer le 06 du chef de l'État. Et vous me connaissez, je suis pas du genre à me dégonfler. Je l'appelle en direct. Voilà. Il est quoi? Midi 10 à peu près. Bon, il vient de finir son petit déj, je me lance. Hein. Ah, c'est mais quel culot, hein. Mais c'est vrai, mais quel courage. Oui, je précise que c'est moi qui ai écrit les commentaires des deux feignasses que vous venez d'entendre. Taisez-vous, vil flatteur. Ça sonne. Allô? Allô, monsieur le président? Bonjour, je m'appelle Didier Porte, je me permets de... Non, on ne se connaît pas, malheureusement, je ne suis pas journaliste. Je travaille avec Anne Roumanoff sur Europe 1. Rue du Cirque? Elle aussi, mon Dieu! Une expérience mémorable, mais épuisante. Ça date de l'époque où vous aviez perdu 15 kilos. Effectivement, ouais. Non, on ne se connaît pas, je... Très bien, François, d'accord, il faut juste que je m'y habitue, hein. À déjeuner, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est plus de midi, j'avais prévu d'aller à l'Élysée. Non, François, vraiment, ça me gêne. Non, je voulais juste vous demander, pardon, te demander, à propos de cette histoire de documents classifiés. Non, pas du tout, non, je ne suis pas journaliste, hein, je ne cherche pas d'informations exclusives. Comment? R45BY2530WX58. Attends, François, c'est quoi ces numéros-là? Ah, mais non, je veux pas connaître le code de la valise nucléaire. François, on est à l'antenne, là. Il faut que je raccroche. Un week-end à la lanterne. Ok, je lui transmets. Inutile qu'elle amène son burkini, d'accord. C'est ça, gros bisous moi aussi. Salut vieux. Incroyable, bah, mais quel courage. Il est sympa, il est sympa notre président, mais il faut rien lui dire. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Le week-end a été chaud. Si vous êtes resté chez vous abruti par la chaleur sans pouvoir bouger comme Willy Rovelli, voici un petit récapitulatif des nouvelles qu'il ne fallait pas manquer. Sport, Thierry Henry nommé entraîneur adjoint de l'équipe nationale belge. Adjoint, ça veut dire qu'il va juste donner un coup de main? Canicule, la SNCF distribue des bouteilles d'eau. Il manquait plus qu'elle distribue les trains qui vont avec. Et oui, tu sais que c'est la canicule quand, comme moi, t'es obligé de te mettre du déodorant derrière les genoux. Littérature, les ventes du livre de Nicolas Sarkozy sont décevantes. Dans certaines librairies, Tout pour la France devrait bientôt s'appeler Tout pour la poubelle. On se retrouve dans quelques instants avec Didier Porte, Christine Béroux, Willy Rovelli, et j'appellerai des Français pour leur proposer d'inviter Nicolas Sarkozy à déjeuner. Et vous verrez, ils seront enthousiastes. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, on est déjà 1717 sur la page Ça pique, mais c'est bon. Et sur Twitter, on est 511. Alors on compte sur vous pour faire monter ce chiffre. Impressionnant. Il y a ma mère. Sachez-le. Ne bougez pas. Ça pique, mais c'est bon. Reviens dans un instant sur Europe 1. Annuaire de référence pour trouver un garagiste. 118-712.fr. Baron de l'Estac. Un Bordeaux rosé, ça existe? L'on peut être rosé et Bordeaux à la fois. Moi, Baron de l'Estac, je le prouve, ma foi. Je sais marier fraîcheur avec plaisir du fruit, les arômes de pêche et de fraises réunis. Qui peut en faire autant pour ravir les palais? Votre Baron de l'Estac, rosé, s'il vous plaît. Baron de l'Estac, ce Bordeaux, c'est quelqu'un. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et ton grand, il fait quoi maintenant? Le lycée, c'est du sérieux, on ne les voit pas grandir. Tu l'as bien assuré? C'est un vrai changement de vie. Avec l'assurance scolaire Matmut, ça aussi c'est du sérieux. Et c'est moins cher la première année au lycée. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première rentrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins qui vendent des dressings presque à la bonne taille. Et puis, il y a la paire, avec ses dressings 100% sur mesure. Et jusqu'au 12 septembre, la paire vous offre 30% de remise immanquable sur une sélection de dressings sur mesure. Moins 30% sur les dressings sur mesure optimise. La paire, croyez-moi, il n'y en a pas deux. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. En ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre une carte de lavage Total Wash de 40 euros. Profitez-en, c'est jusqu'au 24 septembre. Et c'est valable dans toutes les stations de lavage Total Wash. Ça en fait des lavages. Hein. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable dans la limite des stocks disponibles dans les 880 stations acceptant la carte Total Wash. Conditions sur carglass.fr. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. On se retrouve dans moins d'une minute sur Europe 1 pour la suite de Ça pique, mais c'est bon avec Didier Porte, Christine Leroux et Willy Rovelli. Scolaire avec Carrefour. Alors, il faut 5 stylos billes noirs pour Zoé, 2 rouges et 4 verts pour Max et pour Claire que des bleus. Mais t'embête pas maman, chez Carrefour jusqu'au 5 septembre, il y a 50% d'économie sur la carte Carrefour sur le lot de 27 stylos billes cristal. Waouh ! Je te sauve là. Oh, qu'est-ce que je ferais sans toi ? Pour une bonne année scolaire avec Carrefour, jusqu'au 5 septembre, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits, comme le lot de 27 stylos billes cristal. Pointe moyenne, coloris assorti, modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Je sais pas chez vous, mais chez nous, les vacances, on en profite même avec un petit budget. Resto les pieds dans l'eau et activité à gogo. Et à la rentrée, on reste sur notre lancée. Économie et bon moment en famille. En ce moment, chez SFR, la fibre est à seulement 19,99€ par mois pendant un an, puis 44,98€ avec en plus la Première Ligue et la Liga Portugaise en exclu sur SFR Sport. Enfin la fibre avec plus que la fibre. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre fibre starter soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients jusqu'au 3 octobre. Location box plus 5€ par mois. Frais d'ouverture de service 29€, engagement 12 mois, détails sur sfr.fr. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Aujourd'hui avec nous, Christine Bérou, Willy Rovelli, Didier Porte. Et Anne Romanoff. Ouais, je vous l'avais promis, j'ai appelé des Français pour leur demander s'ils voulaient bien inviter Nicolas Sarkozy à déjeuner chez eux. Écoutez. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je me permets de vous appeler. Est-ce que vous pouvez couper la télé? Non, mais dites-moi aussi pourquoi, là, parce que ça peut ne pas m'intéresser. Ah, alors, je travaille pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Oui. Et on aimerait partir, il aimerait rencontrer des habitants, des Français. Qui, Monsieur Sarkozy? Oui. Ah bon? Est-ce que vous seriez d'accord d'accueillir Nicolas Sarkozy chez vous? Ben écoutez, il faudrait que j'en parle à ma femme, ça serait un énorme plaisir. D'accord, vous pouvez couper la mais télé. C'est-à-dire, oui, je la coupe. Donc vous serez favorable pour accueillir Nicolas Sarkozy chez vous? Ben écoutez, c'est, premièrement, c'est quand? Ça serait quand? Ben dans 15 jours. Dans 15 jours. Et ça consistera en quoi alors? Ben vous le rencontrez, on prend des photos, vous discutez avec lui, et puis voilà quoi, ça, c'est vite, hein, et nous on vient prendre des photos quoi. Attendez, j'appelle. Lucienne! Viens deux minutes, s'il te plaît. Je vous passe ma femme, et comme ça, elle aura la surprise, et vous verrez sa réaction immédiate. Allô, Lucienne? Oui. Oui, madame, je vous appelle, je travaille pour Nicolas Sarkozy, et il va partir à la rencontre des Français. Oui. Vous seriez d'accord pour l'accueillir chez vous? Mais écoutez, nous, au mois de... Là, on doit partir dans quelques jours, mais au mois de septembre, on est là. Vous êtes là au mois de septembre, vous pouvez accueillir Nicolas Sarkozy? Oui, mais je voudrais savoir le jour. Alors, on va dire le 5 septembre. Prends-moi le calendrier, je regarde si j'ai rien, le 5. Alors, il s'agit quand même du président de la France, madame. Hein. Ah, mais je le sais. D'ici, aura alors le maire. Non, juste le président. C'est un truc très simple. Ah, c'est un truc très simple. Que le président... Et vous? Seul, avec sa femme? Non, pas sa femme. Le président tout seul et vous. Ouais. Et vous lui faites à manger. Ah ben bien sûr que je comprends très bien que j'ai fait le repas. Qu'est-ce que vous allez faire pour Nicolas Sarkozy comme repas alors? Ah ben écoutez, là je sais pas, mais en principe du poisson, hein. Du poisson. Du poisson, c'est très bien. Alors, dites-moi, on peut pas le faire un mardi? Ah, vous préférez le mardi? Parce que le mardi, je peux aller prendre les coquillages chez mon celui qui me produit donc les coquillages. Je peux faire les pas lourdes, donc les mongols, les pâtes au clovis. Voilà, je pourrais faire un truc comme ça. Je préférerais le mardi. D'accord, comme ça, je pourrais faire, voilà. Bon, on dit le 5 septembre? Le 16 septembre. Nicolas Sarkozy chez Lucienne, et votre mari s'appelle comment? André. Voilà, donc Nicolas Sarkozy va venir chez vous le 5 septembre. Vous lui faites des spaghettis vongolais. Attendez, est-ce qu'il mange de tout? Parce que, je veux dire, on est obligé de mettre les mains, hein, parce qu'il y a les coquilles et tout, là. Ah oui, non, c'est peut-être pas pratique pour les photos. Non, il faut peut-être trouver quelque chose. Moi, je pense, hein. Pourquoi, qu'est-ce qu'elle a, votre femme? Non, c'est que ma femme, on est sur la brèche en permanence, on a deux petits-enfants, on sort pas mal, on s'occupe beaucoup des petits-enfants et tout, donc elle est un peu affolée, là. Non, vous inquiétez pas, il est très simple, Nicolas, vous savez. Oui. Par contre, soyez habillée simplement, mais je dis votre femme, c'est mieux qu'elle aille chez le coiffeur, quand même, enfin, personne. Vous faites pas de soucis. C'est le midi. Vous y serez? Oui, bien sûr, je me déplace toujours avec Nicolas Sarkozy. Ma femme, elle a 70 ans et elle en paraît 50. Ah, votre femme a 70 ans, elle en paraît 50? Ah oui. Non, le 5. Non, le 5, c'est un lundi, non? Le 5, c'est lundi? Regarde. Allô? Oui, alors ce sera le 6, oui, parce que votre femme a dit qu'elle préférait le mardi. Donc c'est le 6 septembre. Bon, je vous laisse mon nom si vous avez des questions. Alors, vous êtes? Anne? Oui. Romanov. Romanov, ça vous rappelle quelque chose, Romanov. Est-ce que vous le dites? C'est l'actrice? Il y a une actrice, hein, Romanov? Oui, je crois qu'il y a une actrice, oui. Non, c'est pas elle, non. Alors, si c'est moi, Anne Romanov. Ah bon? Vous allez passer sur Europe 1. Ah d'accord. Donc Nicolas Sarkozy ne vient pas chez vous. Oh putain. Bon, allez, écoutez, je vous remercie malgré tout, vous avez bien eu, mais c'est pas grave. Ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanov. Eh ben, Willy, vous avez eu une crise de panique. Oh, écoutez, Anne, nous sommes suffisamment proches, vous et moi. Il y a quoi qui nous sépare? Même pas un mètre. C'est peu, alors je peux vous dire la vérité, j'ai pas la grande forme aujourd'hui. Non, samedi, en fait, en m'enduisant mon petit corps galbé d'huile sèche afin de garder ce bronzage qui fait de moi l'homme attirant que vous avez devant vous. Bien, je me suis aperçue que j'avais des poils blancs sur ma barbe. Voilà, alors je vais pas vous mentir, je suis restée très calme. Ça y est, je suis vieux. Pourtant, j'ai à peine quoi. On les voit pas, les poils blancs. Bah, si, moi je les ai. Ils sont là, regardez, là, juste dessous la lèvre. Vous voyez, là, ça y est, ça commence. Enfin, Didier, il a plus que ça, lui, maintenant. Mais pourtant, quoi, j'ai à peine 30 ans depuis quelques années. Mais là, ces poils doux et immaculés m'ont laissé blême. Je suis vieux. Ça m'a foutu un coup. L'autre soir, j'étais chez moi, écrasé par la chaleur, vous le disiez, Anne, sur mon canapé. Et je me suis senti partir. Oh, je vois une lumière au fond qui m'attire. C'est toi, Jésus? Bon, c'était juste mon frigo que j'avais oublié de fermer. Mais j'ai vraiment cru que j'y passais. Hein. Je sais bien que je suis vieux. Vous vous rendez compte, j'ai connu les raiders. Les raiders, c'est l'ancien nom des Twix. Les raiders, vous vous souvenez des raiders? Leur slogan, c'était deux doigts coupe fin. Presque le même que celui de Luca Rocco Magnota, tu sais, les deux pesseurs de Montréal. Lui, c'était deux doigts coupe fin et tout le reste aussi. Dis donc, j'ai lu dans le journal qu'en prison, il paraît que pour s'occuper, il écrit des chansons. Il va sortir une compilation de ses meilleurs morceaux, tu sais. Oui, je suis vieux. L'autre nuit, je me suis surpris à gueuler contre mes voisins parce qu'ils faisaient la fête. Il y a que les vieux qui font ça. Bon, il était 14h et c'était juste les trois mômes qui jouaient, mais j'étais comme un fou. Ça suffit maintenant! Bon, je peux venir jouer avec vous? Ah, oh, je les déteste, ces enfants. Que j'aurais aimé être le voisin de Xavier Dupont de Ligonnès. Oh. Oui, je suis vieux. L'autre jour, chez Sephora, il y a la vendeuse. Elle m'a donné des échantillons de crème anti-rides. Et pas qu'un seul, la pute. Enfin, ça va pas te faire ça. T'imagines, Anne, vous allez à la boulangerie acheter un éclair et là, t'as la vendeuse. Et voilà. Tenez, je vous laisse un échantillon de Sveltesse. Ça se fait pas, merde. Oui, je suis vieux. Maintenant, quand je rentre à 1h du matin, je mets 8 jours à m'en remettre. J'ai crevé les yeux d'un petit con qui m'avait dit dans le bus « Allez-y, monsieur !» en parlant fort, en plus. La chanteuse dont j'avais tous les posters dans ma chambre d'ado aujourd'hui, si je voulais écouter, il faut que je mette Radio Nostalgie. J'ai connu les Bogdanov sans menton, à Mandalire avec sa bite. Et avant, je me grattais les roubignoles avec bonheur. Maintenant, je me tâte la prostate avec angoisse. Oui, je suis vieux. Je suis vieux, samedi, mon ami Jérôme m'a annoncé qu'il divorçait. Dis donc, c'est le 4e en 6 mois. Maintenant, si je veux continuer à faire la fête, ça va falloir que je songe à célébrer plus les divorces que les mariages. Pourtant, je l'avais prévenu, 1 mariage sur 3 finit par un divorce. Les 2 autres par une séparation. Avant le mariage, l'homme posait une seule question. Veux-tu m'épouser? Après le mariage, l'infâme en pose 1000. T'étais où? À qui tu parles? Pourquoi t'es en retard? C'est qui cette pute? Rien. C'est la vendeuse de chez Sephora, voilà. Vous allez avoir quel âge, Anne, le 25 septembre prochain déjà? 51 ans. Ah oui, ouais, bah ça va, c'est jeune. Voilà, tu commences à vieillir quand tu penses que 51 ans, c'est jeune. Bonne journée. Midi, midi 30, Anne Manoff. Le week-end politique a été chargé au cas où certaines choses vous auraient échappé. Voici notre petit récapitulatif en 30 secondes. Le Conseil d'État interdit d'interdire le burkini. On attend avec impatience la décision du Conseil constitutionnel sur le pantacourt. Déclaration de François Hollande sur le burkini. Ni stigmatisation, ni provocation. Voilà, comme à son habitude, il n'a donc pas tranché. Il a plutôt préféré adopter la posture du burkinini. François Hollande est un journaliste du Point. Si je perds en 2017, j'arrête la politique. Pardon. Non, rectification d'idée, c'était si je perds en 2017, je commence la politique. Voilà. Emmanuel Cosse, la ministre du Logement, veut réquisitionner des lieux publics pour héberger les migrants. Si elle cherche un lieu public où tout le monde dort très bien, il y a le Sénat. Déclaration d'Alain Juppé, je ne ferai qu'un seul mandat, c'est une promesse. Non, c'est juste l'âge. Christine Béroux, vous attendez avec impatience Danse avec les Stars. Mais oui, voilà, je sais ce que vous dites. Christine, dans cette émission, t'es un peu l'intello du groupe. Aucun dirait que tu as Roumanoff et sa bande, ce que prof est à Blanche-Neige et les Sept Nains. Pourquoi tu regardes Danse avec les Stars? En fait, c'est parce que je suis très amoureuse de Brian Joubert, le patineur artistique, qui était candidat en 2014, et je ne pouvais que le soutenir à l'époque. Oui, j'aime Brian Joubert, je ne sais pas quelle mouche ma triple loupe se piquait. Mais Brian Joubert, vous voyez, c'est un petit peu comme un Ken Surfer à qui on aurait mis la robe de Barbie Princesse des Neiges, vous voyez, c'est un petit peu comme un Candeloro à qui on aurait mis le cerveau de, à qui on aurait mis un cerveau. Il a été champion du monde quand même en 2007 et pourtant les critiques disent qu'il tombe tout le temps. C'est pas vrai. La preuve, il est jamais tombé sur moi. Brian, si tu m'écoutes, appelle-moi. Voilà, pour te donner une idée, je mesure 1m80 pour 60 kg et j'ai très gros seins. Willy, ta gueule. Voilà. Voilà, à cause de lui, maintenant, je suis accro à cette émission et je suis pas la seule. Tous les ans, la nouvelle saison de Danse avec les Stars est attendue avec autant d'impatience que la nouvelle saison de Game of Thrones. C'est juste que les personnages de Game of Thrones, à la fin, ils veulent s'asseoir sur un trône. Et que les candidats de Danse avec les Stars, à la fin, ils veulent s'asseoir tout court parce qu'ils en peuvent plus. Et je les admire beaucoup, ces candidats. Ils dansent le tango, le rock, ils font de la danse contemporaine. Moi, les seules danses que je sais danser, ce sont pas les danses contemporaines, ce sont les danses con, tout court. La danse des canards, la queue leu leu, la macarena. Alors, ça commence dans un mois, et là, les candidats révèlent leur identité au compte-gouttes, exactement comme pour les présidentielles de 2017. Et que ce soit Danse avec les Stars ou les présidentielles, c'est pareil. Pour gagner, faut être celle ou celui qui fera les plus belles pirouettes. Alors, parmi les candidats annoncés pour l'instant, ma préférée, c'est Valérie Damido. Elle a dit qu'elle se préparait physiquement à l'île de Ré en faisant du vélo. Pourtant, contrairement à ce qu'on dit, la danse, c'est pas comme le vélo, hein. C'est pas un sport de pédale. Alors, Valérie Damido, à la base, quand même, son truc, c'est la déco, hein. Et la déco et les soirées où il y a de la danse, en ce qui me concerne, c'est pareil. Moi, dans les deux cas, je fais tapisserie. Il faut un peu de temps sur celle-là. En tout cas, j'ai hâte de voir Valérie Damido danser le tango, du hip-hop, du charleston. Et comme elle a soutenu François Hollande en 2012, j'ai hâte de voir si elle est tout aussi impliquée quand il s'agit de valse. Alors, merci. Je savais que tu disais pas que t'allais apprécier. C'est facile. Alors, parmi ses concurrents, il y a un copain à vous, Willy, c'est Olivier Mine. Et là, je me méfie. Je pense qu'il sera le chouchou de Fauvoto qui est dans le jury. Pourquoi? Eh ben, parce qu'Olivier Mine a la cote avec les fauves. Ça fait quand même 10 ans qu'il bosse avec Félindra. En tout cas, je m'auto-programme consultante en Danse avec les Stars dans cette émission. En attendant, mercredi, je vous parlerai du philosophe Michel Onfresse qui prouve que moi-même, je suis un peu danseuse, ici, puisque je sais faire le grand écart. Merci beaucoup de votre attention. Merci Christine Béroux, mais c'est déjà la fin de cette émission. Mais quelle tristesse. Mais qui vois-je? Qui arrive? Qui est à l'antenne dans quelques instants? C'est Maxime Switek. Bonjour Maxime. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous avez passé un bon week-end, Maxime? Très très bon. Ah, et oui, vous? Mais parfait. Vous avez l'air en pleine forme. Très bien. Surtout Didier Porte, vous avez vu comme il est... Mais vous allez me lâcher un peu. Dans quelques instants, Europe Midi avec Maxime Switek. Merci à Christine Béroux, Willy Revelli et Didier Porte. On se retrouve demain à midi. Aviva s'adresse à vous. Vous, dont les papiers à remplir remplissent les journées. Vous qui ne comptez plus les nuits à refaire les comptes. Vous, les passionnés, qui observez jalousement le soleil, car ce soir, lui aura la chance de se coucher. Vous qui n'avez plus de temps pour passer du bon temps. Vous, les chefs d'entreprise. Parce que créer ou développer son activité est souvent complexe, Aviva agit pour que s'assurer ne le soit pas. Retrouvez toutes nos solutions d'assurance dédiées aux professionnels sur aviva.fr. Aviva, la bonne idée. MAF Assurance présente, parole de pro. Bonjour, je suis votre conseillère MAF Pro. Vous les pros, vous devez savoir qu'avec l'assurance AutoMAF Pro, si votre véhicule professionnel est immobilisé pendant plus de 2 jours, une garantie compense votre perte de chiffre d'affaires en prévoyant une indemnisation dans la limite du plafond choisi. Voilà, c'est dit. C'est MAF Pro. Et c'est pour vous, les pros. Option perte financière détaillée dans le contrat Auto Pro disponible en agence et sur maf.fr. C'est la rentrée chez Gémeaux. Ils sont imprimés, colorés, tendance. Les t-shirts Gémeaux filles et garçons à 2,99€. Elles sont vraiment fun, les running Gémeaux, à 9,99€ seulement. Et oui, la rentrée des classes avec Gémeaux, c'est vraiment classe. Gémeaux, c'est la mode qui vous aime. Offre valable du 17 août au 11 septembre. La super rentrée Carrefour Market. Tiens, mais qu'est-ce que vous avez à sauter comme ça? Vous essayez de vous envoler? Je m'entraîne, Michel, je vais être prêt pour la super rentrée. Le 1er septembre, les super-héros Marvel débarquent chez Carrefour Market avec des figurines exclusives à collectionner. Des super-héros comme Spider-Man? Oui, et aussi Iron Man, Captain America et plein d'autres. Et en plus, vous pourrez profiter de promos extraordinaires et de surprises incroyables. Je suis super impatiente. Carrefour Market. Offre soumise à conditions. Modalités et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Avec Télé 7 jours, The Beatles. Retrouvez réunis pour la première fois dans une collection inédite. Tous leurs albums originaux, entièrement remasterisés, dans une superbe édition de luxe. The Beatles, la collection événement. Cette semaine, le CD numéro 1, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 9,90€ seulement avec Télé 7 jours. Petit message Peugeot en forme de chef-d'œuvre. Ici, la 308 Allure. La berline compacte par excellence avec navigation sur écran tactile, projecteur full LED et aide au stationnement. Une œuvre majeure à un prix remarquable. Pendant les immanquables Peugeot, la 308 Allure suréquipée est à partir de 249€ par mois. Avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. LLD 37 mois à 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebster.com. Midi et demi, Europe Midi, c'est parti jusqu'à 13h15 avec vous, Maxime Switek. Bonjour Maxime. Bonjour Anissa, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de...